Sam, c'est le parrain ici bas. Type crin et fanat de Tony Montana. L'allure, le style, revu et corrigé afin d'obtenir une gueule de jeune premier. Le monde extérieur, il se laisse charmer, bien qu'il soit acharné à bâtir un charnier, un chantier permanent. Sa morale lézarde, il brise des vies par mépris et mégarde. Mais prenez garde, il se fout de tout, mégalomane. Il se joue de nous, ce trafic d'armes, bande de cam et champagne. Seul un junkie acclame l'oncle Sam. Certes, il est cupide, mais pas stupide, et contrôle ses proches. Par le futile, leur offre une dose contre du soutien. Si un corps jonche le sol, c'est qu'il n'est pas loin, l'oncle Sam. C'est l'ombre qui rôde en rue, le fantôme que personne n'a jamais vu. Le mythe urbain, la légende des raclures, estimée de ceux qui bradent leur futur. L'oncle Sam, assis là, Satan, son faux semblant, ne fait pas de sentiment. L'oncle Sam, joue de la vie, d'autrui et détruit. Oh, question de profit. L'oncle Sam, assis mis là, Satan, son faux semblant, ne fait pas de sentiment. L'oncle Sam, joue de la vie, d'autrui et détruit. Oh, question de profit. Et il te parle mal, c'est pas la braquable. Les esprits instables d'un fardeau, tu sais, bien lourd à porter. Celui de n'être qu'une tâche à nettoyer dans ce tableau parfait. Il est le roi du monde et l'hypocrisie. Et cet ancien monde qui a servi et celle ses lois, même averti, il t'asservira. Sa colère, sa violence ou sa cruauté ne sont que les excès d'un désaxé. Tu sais, les aspects sont parfois trompeurs, mais derrière son sourire se cache l'horreur. Sans honneur, il retourne son blazer quand vient la peur de perdre la guerre. Voici ce mythe qui se fait discret, laisse passer l'orage avant de recommencer. Lui qui se prend pour Dieu, qui fait des envieux. Lui qui se rend odieux au profit de l'enjeu. Lui qui a bâti un empire en flammes. Mais cette légende que l'on nomme l'oncle Sam. L'oncle Sam, assimilé à Satan, sans faux semblant, ne fait pas le sentiment. L'oncle Sam, joue de la vie d'autrui et détruit. Oh, question de profit. L'oncle Sam, assimilé à Satan, sans faux semblant, ne fait pas le sentiment. L'oncle Sam, joue de la vie d'autrui et détruit. Oh, question de profit. There's no debate. The full force and might of our military. There's no discussion. Nuclear weapons. There's nothing. Global war. This administration has turned the patient art of diplomacy on its head. Genocide. Turned the patient art of diplomacy into threat. You're nothing for me. Coming and occupying. The only thing don't get thing is my money and my family. You're like a symbol me. But don't worry, it's it like you like it. And it's your BM and the bitch. Shut up, stop. The only thing that we don't think is my money and my family. You're like a shit for me. Tu n'es qu'un paraste délit. Don't probably have the shit like you. I can look in it, you'll be a bitch. Y aura toujours une armée d'insoumis pour te refiler des insomnies. Shut up, stop your dream, you can swim. But the world is mine and I control the money. Sentiment. Non, non, non.